Le vélo. Papa ne voulait pas m'acheter de vélo. Il disait toujours que les enfants sont très imprudents et qu'ils veulent faire des acrobaties et qu'ils cassent leur vélo et qu'ils se font mal. Moi, je disais à papa que je serais prudent, et puis je pleurais, et puis je boudais, et puis je disais que j'allais quitter la maison. Et enfin, papa a dit que j'aurais un vélo si j'étais parmi les 10 premiers à la composition d'arithmétique. C'est pour ça que j'étais tout content hier en rentrant de l'école, parce que j'étais 10e à la composition. Papa, quand il l'a su, il a ouvert des grands yeux et il a dit « Ça alors ? Eh ben ça alors !» Et maman m'a embrassée. Elle m'a dit que papa m'achèterait tout de suite un beau vélo et que c'était très bien d'avoir réussi ma composition d'arithmétique. Il faut dire que j'ai eu de la chance parce qu'on n'était que 11 pour faire la composition. Tous les autres copains avaient la grippe et le 11e, c'était Clotaire qui est toujours le dernier. Mais lui, ce n'est pas grave parce qu'il a déjà un vélo. Aujourd'hui, quand je suis arrivée à la maison, j'ai vu papa et maman qui m'attendaient dans le jardin avec des gros sourires sur la bouche. « Nous avons une surprise pour notre grand garçon », a dit maman. Et elle avait des yeux qui rigolaient. Et papa est allé dans le garage et il a ramené, vous ne le devinerez pas, un vélo. Un vélo rouge et argent qui brillait avec une lampe et une sonnette. Terrible! Moi, je me suis mis à courir. Et puis, j'ai embrassé maman, j'ai embrassé papa et j'ai embrassé le vélo. « Il faudra me promettre d'être prudent », a dit papa, « et de ne pas faire d'acrobatie ». J'ai promis. Alors maman m'a embrassée. Elle m'a dit que j'étais son grand garçon à elle et qu'elle allait me préparer une crème au chocolat pour le dessert. Elle est entrée dans la maison. Ma maman et mon papa sont les plus chouettes du monde. Papa, il est resté avec moi dans le jardin. « Tu sais, il m'a dit, que j'étais un drôle de champion cycliste et que si je n'avais pas connu ta mère, je serais peut-être passée professionnelle. » Ça, je ne le savais pas. Je savais que papa avait été un champion terrible de football, de rugby, de natation et de boxe, mais pour le vélo, c'était nouveau. « Je vais te montrer », a dit papa. Et il s'est assis sur mon vélo et il a commencé à tourner dans le jardin. Bien sûr, le vélo était trop petit pour papa et il avait du mal avec ses genoux qui lui remontaient jusqu'à la figure, mais il se débrouillait. « C'est un des spectacles les plus grotesques auxquels il m'ait été donné d'assister depuis la dernière fois que je t'ai vu. » Celui qui avait parlé, c'était Monsieur Blédur, qui regardait par-dessus la haie du jardin. Monsieur Blédur, c'est notre voisin qui aime bien taquiner papa. « Tais-toi !» lui a répondu papa. « Tu n'y connais rien au vélo !»« Quoi ?» a crié Monsieur Blédur. « Sache, pauvre ignorant, que j'étais champion interrégional amateur et que je serais passé professionnel si je n'avais pas connu ma femme. » Papa s'est mis à rire. « Champion, toi !» il a dit papa. « Ne me fais pas rire. Tu sais à peine te tenir sur un tricycle. » Ça ne lui a pas plu à Monsieur Blédur. « Tu vas voir !» il a dit. Et il a sauté par-dessus la haie. « Passe-moi ce vélo !» il a dit Monsieur Blédur en mettant la main sur le guidon. Mais papa refusait de lâcher le vélo. « On ne t'a pas fait signe, Blédur !» a dit papa. « Rentre dans ta tanière !»« Hein ? Tu as peur que je te fasse honte devant ton malheureux enfant ?» a demandé Monsieur Blédur. « Tais-toi, tiens, tu me fais de la peine. Voilà ce que tu me fais !» a dit papa. Il a arraché le guidon des mains de Monsieur Blédur et il a recommencé à tourner dans le jardin. « Grotesque !» a dit Monsieur Blédur. « Ces paroles d'envie ne m'atteignent pas !» a répondu papa. Moi, je courais derrière papa et je lui ai demandé si je pourrais faire un tour sur mon vélo, mais il ne m'écoutait pas parce que Monsieur Blédur s'est mis à rigoler en regardant papa. Et papa a dérapé sur les bégonias. « Qu'est-ce que tu as à rire bêtement ?» a demandé papa. « Je peux faire un tour maintenant ?» j'ai dit. « Je ris parce que ça m'amuse de rire !» a dit Monsieur Blédur. « Mais c'est mon vélo après tout !» j'ai dit. « T'es complètement idiot, mon pauvre Blédur !» a dit papa. « Ah oui ?» a demandé Monsieur Blédur. « Oui !» a répondu papa. Alors Monsieur Blédur s'est approché de papa et il a poussé papa qui est tombé avec mon vélo dans les bégonias. « Mon vélo !» j'ai crié. Papa s'est levé et il a poussé Monsieur Blédur qui est tombé à son tour en disant « Non mais, essaie un peu !» Quand ils ont cessé de se pousser l'un l'autre, Monsieur Blédur a dit « J'ai une idée. Je te fais une course contre la montre autour du pâté de maison. On verra lequel de nous deux est le plus fort. » « Pas question !» a répondu papa. « Je t'interdis de monter sur le vélo de Nicolas. D'ailleurs, gros comme tu l'es, tu le casserais le vélo. Hum !» Dégonflé, a dit Monsieur Blédur. Dégonflé, moi, a crié papa. Tu vas voir. Papa a pris le vélo et il est sorti sur le trottoir. Monsieur Blédur et moi, nous l'avons suivi. Moi, je commençais à en avoir assez et puis je ne m'étais même pas assis sur le vélo. Voilà, a dit papa. On fait chacun un tour du pâté de maison et on chronomètre. Le gagnant est proclamé champion. Ce n'est d'ailleurs qu'une formalité pour moi, c'est gagner d'avance. Je suis heureux que tu reconnaisses ta défaite, a dit Monsieur Blédur. Et moi, qu'est-ce que je fais? J'ai demandé. Papa s'est retourné vers moi tout surpris, comme s'il avait oublié que j'étais là. Toi, il m'a dit papa, toi, eh bien, toi, tu seras le chronométreur. Monsieur Blédur va te donner sa montre. Mais Monsieur Blédur ne voulait pas la donner sa montre, parce qu'il disait que les enfants ça cassait tout. Alors papa lui a dit qu'il était radin, et il m'a donné sa montre à lui qui est chouette avec une grande aiguille et qui va très vite, mais moi j'aurais préféré mon vélo. Papa et Monsieur Blédur ont tiré au sort, et c'est Monsieur Blédur qui est parti le premier. Comme c'est vrai qu'il est assez gros, on ne voyait presque pas le vélo, et les gens qui passaient dans la rue se retournaient en rigolant pour le regarder, Monsieur Blédur. Il n'allait pas très vite et puis il a tourné le coin et il a disparu. Quand on l'a vu revenir par l'autre coin, Monsieur Blédur était tout rouge. Il tirait la langue, il faisait des tas de zigzags. Combien ? Il a demandé quand il est arrivé devant moi. 9 minutes et la grande aiguille entre le 5 et le 6, j'ai répondu. Papa s'est mis à rigoler. Bah mon vieux, il a dit, avec toi le Tour de France ça te durerait 6 mois. « Plutôt que de te livrer à des plaisanteries infantiles, » a répondu Monsieur Blédur, qui avait du mal à respirer. « Essaie de faire mieux !» Papa a pris le vélo et il est parti. Monsieur Blédur, qui reprenait sa respiration, et moi qui regardais la montre, on attendait. Moi, je voulais que papa gagne, bien sûr, mais la montre avançait et on a vu 9 minutes, et puis après 10 minutes. « J'ai gagné, je suis le champion !» a crié Monsieur Blédur. À 15 minutes, on ne voyait toujours pas revenir papa. C'est curieux, a dit Monsieur Blédur. On devrait aller voir ce qui s'est passé. Et puis, on a vu papa qui arrivait. Il arrivait à pied. Il avait le pantalon déchiré. Il avait son mouchoir sur le nez. Il tenait le vélo à la main. Le vélo qui avait le guidon de travers, la route toute tordue et la lampe cassée. Je suis rentrée dans une poubelle, a dit papa. Le lendemain, j'en ai parlé pendant la récré à Clotaire. Il m'a dit qu'il lui était arrivé à peu près la même chose avec son premier vélo. « Qu'est-ce que tu veux ?» il m'a dit Clotaire. « Les papas, c'est toujours pareil. Ils font les guignols et si on ne fait pas attention, ils cassent les vélos et ils se font mal. »